Y'a plus de base, y'a plus de fight, mais on a du rhum et des lights. Mon AK danse la salsa pendant que le feu grésille là-bas. T'es venu pour piller trop tard, frérot. On chill au milieu des barrels, go casque sur les oreilles, loot au sol, les viewers nous hype, on rigole. Ce soir c'est chill sur le toit du hangar. DJ Ral, skill t'envoie de biva. DJ Rul, serre de boule disco pendant que je twerk avec un sac à dos. J'ai loté tes slips dans le frigo, maintenant je les vends au marché du dodo. Rust, c'est pas qu'un raid sanglant, c'est un apéro avec grenade chantant. Mojito party, on joue à pierre papier c'est quatre. Mojito party, tes roquettes dans le bar. Mojito party, rider skill dans sans claquettes. Mojito party, ton clan nous jette des cacahuètes. Mojito party, le sol est en tôle. Mojito party, mais je suis chaud comme une casserole. Mojito party, on construit des escaliers vers le ciel. Mojito party, pour dropper du loot artificiel. Un view et ma filet, un pantalon, je l'ai transformé en montgolfière à boutons. Les streamers tryhard sont pas prêts, on danse en slip sur leur purée. J'ai mis une pancarte, apéro interdit, du coup y'a 300 viewers qui ont atterri. On joue au poker avec des clous et le gagnant prend ta base, c'est fou. Mojito party, c'est du farm tropical. Mojito party, on contre deux headshots fatales. Mojito party, j'ai loadé du rhum artisanal. Juste la sono, j'ai collé du C4 sur un piano. On fait treuse comme des héros, en short, en flip-flop, en micro. Mojito party, Riderski et DJ. Mojito party, tes coffres, on les a mangés. Mojito party, j'ai gagné au bingo. Mojito party, et je me suis fait kick par ton déco. Mojito party, que la fête continue. Mojito party, même si ta base est foutue. Mojito party, j't'ai rasé avec légèreté.